smoke my marijuana. Laisse-moi m'évader deux minutes, je t'en prie. Je prends l'envol, je survole Paname. Ouh, oh, ouh, ouh, ouh. Ce système n'a que faire de nos voix. Des balivernes et des montagnes de ragots. Ils se demandent pourquoi j'explose des fois. J'en ai marre. Jano, watch out! Combien de pauvres dorment dans le caniveau? Un refuge pour chat, comme ce ne sont pas des animaux. Falamina, des enfants vivent sans le strict minimum. Mais que font ces dirigeants dans leur belle Renault? Ils avaient prédit ça depuis longtemps. Quand la population médit, ils coupent la bataille. Des promesses d'un on s'était dit, ils connaissent la fin. Car même si on médit, on fera quand même crédit. Tchao, mais es-tu ready? Apprendre les armes, sacrifier ton mercredi pour allumer la flamme. À l'ancienne, mon débit du fond de mon âme. Anyway, toute la corruption je condamne. Je prends le large pour calmer ma haine et le ciel me réconforte. Nana Mouse. Quand vient le mal, je m'éloigne de la scène. Seul au monde, je me rendors. La lune est douce, je n'ai plus de remords. Je donnerai tout pour effacer le sort. On prend de l'âge, le time est compté. Mais il faut qu'on s'en sorte. Ça n'ira pas mieux d'aussitôt. Des sourds et des lâches, résultat que de mythos. Nos problèmes sont real, nos problèmes sont vitaux. J'ai tagué un bon Babylone sur les cryptos. Allumer tous les week-ends, c'est le moment d'éliminer tous les faux politicos. Viens me donner le dos et le micro, j'aurai les mots pour allumer le feu comme une folade. Déterminé est le moi car j'utilise ma voix comme une arme real AK. Let me smoke my marijuana. Laisse-moi m'évader deux minutes, je t'en prie. Je prends l'envol, je survole Paname. Ouh, oh, ouh, ouh. Ce système n'a que faire de nos voix. Des balivernes et des montagnes de ragots. Ils se demandent pourquoi j'explose des fois. J'en ai marre, Jano. Je prends le large pour calmer ma haine et le ciel me réconforte. Nana Mouse. Quand vient le mal, je m'éloigne de la scène. Seul au monde, je me rendors. La lune est douce, je n'ai plus de remords. Je donnerai tout pour effacer le sort. On prend de l'âge et le time est compté. Mais il faut qu'on s'en sort. Free up. Oh, oh, oh.